بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais après leur défaite, ils seront à leur tour les vainqueurs, dans moins de 10 ans. C'est à Dieu qu'appartient le commandement, dans le premier cas comme dans le deuxième, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Du secours de Dieu, il aide qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. C'est là une promesse de Dieu. Dieu ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne le savent pas. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas et ne se soucient guère de l'au-delà. Ne méditent-ils pas en eux-mêmes ? Dieu n'a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas qu'ils auront à rencontrer leur Seigneur. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. N'ont-ils pas parcouru la terre et n'ont-ils pas vu ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils les surpassaient en puissance, et ils labouraient la terre, et la peuplaient bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers étaient pourtant venus avec des preuves claires. Ce n'est certes pas Dieu qui leur fit du tort, ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes. Quelle mauvaise fin connurent ceux qui faisaient le mal, pour avoir rejeté les signes de Dieu et s'en être moqués. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. C'est Dieu qui produit la création à partir de rien, et ensuite il l'a créée de nouveau après sa mort, et c'est vers lui que vous serez tous ramenés. Et le jour où l'heure arrivera, les coupables seront frappés de mutisme. Ils ne trouveront aucun intercesseur parmi leurs associés et ils les renieront. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Le jour où l'heure arrivera, ils se sépareront. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin luxuriant. Mais ceux qui n'auront pas cru, qui auront rejeté nos signes et nié cette rencontre de l'au-delà, ceux-là seront emmenés au châtiment. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Que Dieu soit glorifié au crépuscule comme à l'aube, et louange à lui dans les cieux et sur la terre, dans l'après-midi et lorsque le soleil est au zénith. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Il rend la vie à la terre morte, et c'est ainsi que l'on vous fera sortir de vos tombeaux. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Parmi ces signes, il vous a créé de poussière, puis vous voilà des êtres humains dispersés de par le monde. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issus de vous-même, pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, ainsi que la variété de vos langues et de vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les esprits avertis. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et parmi ces signes, votre sommeil la nuit, et durant le jour, votre quête de ce qu'il vous a réservé de sa grâce. Il y a en cela des signes pour les gens qui écoutent attentivement. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair qui vous fait craindre la foudre, mais aussi espérer la pluie, et du ciel. Il fait descendre une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte. Il y a en cela des signes pour les êtres doués de raison. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et parmi ces signes, le maintien en équilibre des cieux et de la terre par son commandement. Et ensuite, au premier appel qu'il vous fera, vous surgirez immédiatement de terre. C'est à lui qu'appartiennent tous ceux qui peuplent les cieux et la terre. Tous lui sont parfaitement obéissants. C'est lui qui produit la création à partir de rien et qui ensuite la reproduit. Cela lui est encore plus facile. À lui revient la plus haute semblance des cieux et de la terre, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Il vous propose un exemple tiré de vous-même. Avez-vous parmi vos esclaves des associés qui partagent les biens que nous vous avons attribués, qui vous sont égaux à ce titre et envers qui vous avez les mêmes égards qu'envers ceux de votre rang? Ainsi, exposons-nous nos signes à ceux qui raisonnent. Mais les injustes n'en suivent pas moins leur propre passion, dépourvus de tout savoir. Qui donc peut guider ce que Dieu a décidé d'égarer? Ceux-là, nul ne viendra les secourir. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dirige tout ton être exclusivement vers la religion, selon la nature innée dont Dieu a pourvu les hommes à leur création. Ce que Dieu a créé ne saurait être modifié. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes n'en savent rien. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Revenez vers lui repentant, craignez-le, observez vos prières avec constance, et ne soyez point de ceux qui lui attribuent des associés, ni de ceux qui ont divisé leur religion en différentes sectes, chacune exultant de sa propre doctrine. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Quand un malheur touche les gens, ils implorent leur Seigneur, se tournant vers lui tout repentant. Puis, une fois qu'ils ont goûté à sa miséricorde, voilà que certains d'entre eux lui attribuent des associés. Ainsi montrent-ils leur ingratitude à l'égard de ce que nous leur avons donné. À cela, on dit « Jouissez donc de la vie pour un temps, bientôt vous saurez. » Auraient-ils reçu de nous une autorité qui leur parle de ce qu'ils associent à Dieu ? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Quand nous faisons goûter une miséricorde aux gens, ils s'en réjouissent. Mais si un malheur les atteint en conséquence de leurs propres actions, les voilà désespérés. Ne voit-il pas que Dieu dispense largement sa subsistance à qui il veut, ou la restreint à qui il veut? Certes, il y a en cela des signes pour ceux qui croient. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Donne donc aux proches parents, aux pauvres et aux voyageurs en détresse la part qui leur revient. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent le visage de Dieu, et ce sont eux qui réussissent. Tout ce que vous prêtez à usure pour accroître vos biens, aux dépens des biens d'autrui, ne vous sera d'aucun profit auprès de Dieu. Mais ce que vous donnez en vue de la purification, par désir de la satisfaction de Dieu, voilà ce qui vous sera multiplié en récompense. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. C'est Dieu qui vous a créé et qui vous a nourri. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Y en a-t-il parmi vos prétendus associés de Dieu qui fasse quoi que ce soit de semblable? Gloire à lui. Il est infiniment au-dessus de ce qu'on lui associe. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les hommes ont accompli de leurs propres mains, afin que Dieu leur fasse goûter en partie la conséquence de leurs méfaits. Peut-être reviendront-ils de leur égarement. Dis, parcourez la terre et voyez quelle fut la fin des peuples qui vous ont précédés. La plupart d'entre eux étaient polythéistes. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dirige tout ton être vers la religion de droiture avant que ne vienne de Dieu le jour inéluctable. Ce jour-là, les gens seront divisés. Ceux qui n'auront pas cru devront subir les conséquences de leur incroyance, tandis que ceux qui auront fait le bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils auront préparé leur avenir, afin que Dieu récompense de par sa grâce ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. Certes, ils n'aiment point les mécréants. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Parmi ces signes, il envoie des vents annonciateurs de pluie pour vous faire goûter de sa miséricorde et pour que les vaisseaux voguent par son ordre, vous amenant dans votre quête de sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Avant toi, nous avons envoyé des messagers à leur peuple avec des preuves évidentes du pouvoir suprême de Dieu. Puis, nous avons sévi contre eux qui les ont niés, car il est de notre devoir de secourir les croyants. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Dieu est celui qui envoie les vents, qui soulève les nuages, puis il les étend comme il veut, dans le ciel, et les fait se fragmenter. Tu vois alors la pluie sortir de leur sein. Et lorsqu'il fait tomber cette pluie sur qui il veut parmi ses serviteurs, ces derniers s'en réjouissent. Bien qu'avant, tout juste avant, ils fussent au désespoir. Regarde donc les effets visibles de la miséricorde de Dieu sur la création. Vois comment il redonne vie à la terre après qu'elle ait été morte. C'est lui qui fait revivre les morts. Il est tout-puissant. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ Et si cependant nous envoyons un vent néfaste qui fait jaunir leur culture, ils deviennent, après son passage, totalement ingrats. En vérité, tu ne peux pas faire entendre les morts, pas plus que tu ne peux faire entendre ton appel aux sourds. Lorsqu'ils s'en vont en tournant le dos. Et tu ne peux guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne peux faire entendre que ceux qui croient en nos signes et qui se soumettent à Dieu en vrais musulmans. Allah, الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. C'est Dieu qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous a donné la force, et de fort, il vous réduit à nouveau à la faiblesse, puis à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut, et il est omniscient et tout-puissant. Et le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront n'être restés qu'une heure dans leur tombeau. Ainsi ont-ils toujours été, dans leur vie sur terre, détournés de la vérité. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Tandis que ceux qui auront reçu le savoir et la foi diront: la vérité est que vous y êtes demeurés aussi longtemps que prévu par le décret de Dieu, jusqu'au jour de la résurrection. Voici donc venu le jour de la résurrection, mais vous n'en étiez point conscients. Ce jour-là, leurs excuses ne serviront à rien aux injustes, et il ne leur sera pas permis de se disculper. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Dans ce Coran, nous avons proposé aux gens des exemples de toutes sortes. Même si tu leur apportais un signe, ceux qui ne croient pas s'exclameraient « Vous n'êtes que des imposteurs ». C'est ainsi que Dieu scelle le cœur de ceux qui n'ont aucun savoir. Alors sois patient. La promesse de Dieu est pure vérité et ne te laisse pas ébranler par ceux qui ne croient pas avec conviction.